j'étais petit, tout petit. Je me suis dit, mon vieux, par où c'est assuré. J'ai toute ma famille là-bas, mon père, ma mère, mes frères. Aux États-Unis, oui, il y a 50 États au fond.